midi 30 minutes, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Le maire Régis Labeaume contredit le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. François Blais a évoqué dans une entrevue au Journal de Québec la possibilité de faire renaître le projet de tramway, une idée aussitôt enterrée par le maire de Québec qui préfère miser sur le service rapide par bus comme prévu. Régis Labeaume a rappelé que c'est le gouvernement provincial lui-même qui a renoncé au tramway en raison des coûts jugés trop élevés. Il ajoute que sa ville et le ministère des Transports travaillent sur le projet de SRB depuis des mois. L'ancien juge Jacques Delisle restera détenu au moins jusqu'en décembre. Le juge de la Cour supérieure a acquiescé à la demande de l'avocat de M. Delisle qui voulait plus de temps pour étudier la preuve présentée par la Couronne. La Couronne qui a affirmé détenir de nouveaux tests balistiques qui démontreraient qu'il n'y a pas eu de suicide comme les experts de Jacques Delisle l'ont prétendu. Rappelons que l'ancien juge Jacques Delisle a été trouvé coupable du meurtre de sa conjointe. Il clame son innocence depuis le tout début. Il a obtenu une révision judiciaire et demande à être libéré pendant cette nouvelle enquête. À Limoilou, le commerce La Baconnerie fermerait ses portes. Selon Le Soleil, le propriétaire Alexandre Leclerc préférerait se concentrer à augmenter la capacité de production et développer son réseau de distribution. Il faut savoir que les produits de La Baconnerie, situés sur la 3e avenue, sont pour le moment distribués dans 100 points de vente à travers la province. De quoi occuper passablement les propriétaires et les employés. En avril dernier, le propriétaire s'était présenté devant l'émission Les Dragons à Radio-Canada, où il s'était fait justement recommander de miser sur le développement de sa marque et de son réseau de distribution. Enfin, c'est cet après-midi que le gouvernement libéral présentera sa mise à jour économique. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, pourrait annoncer un réinvestissement dans les services publics, ainsi qu'un allègement du fardeau fiscal. Selon la presse, 300 millions de dollars seraient réinvestis en santé l'année prochaine. La taxe santé pourrait, elle, être abolie plus tôt que prévu.